Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous invoquons chaque matin est un Dieu fidèle. Lorsqu'il dit une parole, cette parole s'accomplira. Tiens bon, mon frère, tiens bon, ma sœur. Si tu as reçu une promesse, persévère. Reste fidèle à ce Dieu-là, car cette promesse s'accomplira. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Esdras, chapitre 1, versets 1 à 11. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Esdras 1, 1 à 11. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire des vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui les remit à Shebastar, prince de Juda. En voici les nombres: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400 Shebastar, emportant les tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir son plan, parce qu'il est un Dieu souverain. Dans ce passage, nous voyons que Dieu va utiliser un roi païen, un roi qui n'est pas juif, qui s'appelle Cyrus, c'est lui, le roi des Perses, que Dieu va utiliser pour la libération des enfants d'Israël ou pour leur retour en Israël, pour leur délivrance de la captivité. Dieu est un Dieu souverain. Il peut utiliser un chrétien, il peut utiliser même un non-chrétien, il peut utiliser même les gens que l'on méprise parce qu'il incline le cœur du roi comme un courant d'eau où il veut. Lorsque nous lisons ce passage, nous y découvrons cinq éléments importants que Cyrus a pu poser comme un instrument entre les mains de Dieu. Premier élément, Cyrus reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné le royaume de la terre. Donc, en quelque sorte, il reconnaît que toute autorité vient de lui. Et nous avons besoin d'avoir aujourd'hui des autorités qui reconnaissent l'autorité divine. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit au verset 2, « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Il m'a donné. Ça veut dire, c'est par délégation. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Deuxième élément dans ce que Cyrus fait ou dans son décret. Cyrus reconnaît ou il déclare que c'est Dieu qui lui a commandé de lui bâtir une maison. C'est curieux. Si aujourd'hui, quelqu'un qui est un non-chrétien disait, voilà, Dieu m'a dit de lui bâtir un temple, de lui bâtir tel édifice, il y a des gens parfois qui sont extrémistes pour dire, non, Dieu ne peut pas utiliser un païen. Mon ami, Dieu est souverain. Vous voyez, il dit ici, toujours au verset 2, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. C'est-à-dire le roi Cyrus, un roi perse. Pendant qu'Israël était en captivité à Babylone, lui, il déclare que Dieu lui a commandé de lui bâtir un temple. Vous savez que le premier temple a été détruit lorsque l'armée de Nebuchadnezzar est entrée dans la ville de Jérusalem. Ils ont démoli non seulement la muraille, mais aussi le temple. Maintenant, ici, les besoins d'Israël étaient de rebâtir le temple. Et Cyrus, roi perse, un roi païen, il déclare que Dieu lui a commandé de lui bâtir un temple. Dieu donc peut utiliser même un non-chrétien pour bâtir sa maison, pour bâtir un temple, pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Troisième élément, Cyrus a ordonné aux enfants d'Israël de retourner dans leur pays, de retourner à Jérusalem. Il dit au verset 3, « Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui ?» et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est pourquoi quand vous lisez le psaume, par exemple, 126, il est dit, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, dans la mesure où Dieu va utiliser un roi païen pour signer le décret de retour des enfants d'Israël ou des Judéens de la captivité pour retourner à Jérusalem. » Quatrième élément, le roi Cyrus ordonne aux gens de son royaume de donner de l'argent, de l'or, des effets et du bétail pour les offrandes dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, il donne un ordre. Il ne s'arrête pas seulement à dire « Retournez dans votre pays ». Il commande à son peuple de donner de l'or et de l'argent. Dieu est souverain. Il peut utiliser même les non-chrétiens pour contribuer à l'avancement de son œuvre. C'est ce que nous voyons ici. Il est dit au verset 4, « Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. » Et cinquième élément, le roi Cyrus a rendu les ustensiles de la maison de l'Éternel qui ont été emportés par le roi Nebuchadnezzar. Il signe l'ordre de retourner tout ce que le roi Nebuchadnezzar et son armée ont emporté à Babylone. C'est pour dire que Dieu est capable de te restituer tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi t'a volé. Il est capable de te restituer. Et je prophétise que quelqu'un qui a perdu ses biens, tu as perdu ton argent, tu as perdu ton compte bancaire, tu es tombé en faillite. Je prophétise que le Seigneur te libère et que tu vas récupérer tout ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Il est dit ici, au verset 7, « Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. » Et on donne même les nombres. Au verset 9, « En voici les nombres, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous ces objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. » Vous vous rendez compte des dégâts d'abord qui ont été produits dans les camps des enfants d'Israël. Mais ici, le Seigneur, 70 ans après, il donne cet ordre pour que ces objets soient restitués. Tu peux donc récupérer tout ce que tu as perdu il y a des années. Deuxième grande vérité, c'est Dieu qui réveille l'esprit des hommes pour que ces derniers accomplissent sa volonté. Donc vous voyez, nous devons comprendre que même quand nous faisons des actions, nous posons des actes, comme ce que Cyrus a fait, il faut que Dieu puisse réveiller son esprit. C'est pourquoi lorsque nous avons des autorités, à quelque niveau que ce soit, nous devons prier pour que Dieu réveille leur esprit, afin qu'ils posent des actes qui vont dans le sens de l'intérêt du peuple. Pour que Cyrus puisse signer ce décret, Dieu a réveillé son esprit. Le verset 1 dit, « La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. » Vous entendez? L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Donc, il y a une action interne, intérieure dans la vie de l'homme. C'est Dieu qui réveille l'esprit. Et c'est alors que Cyrus, il fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Lorsque Dieu réveille l'esprit d'un président, lorsque Dieu réveille l'esprit d'un premier ministre, lorsque Dieu réveille l'esprit d'un maire, lorsque Dieu réveille l'esprit d'un DG, il va signer des décrets qui vont dans le sens du bien de la population. Et nous avons encore un autre cas. Même les enfants d'Israël, ceux qui devraient s'élever pour aller bâtir la maison de l'Éternel, ce sont ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit. Ce n'est pas tout le monde qui s'est levé. Il est dit au verset 5, « Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Nous avons donc besoin que Dieu réveille l'esprit des non-responsables, même au niveau de l'Église. Il y a parfois des gens qui sont toujours paresseux, ils ne font rien. Mais tant que Dieu n'a pas réveillé leur esprit, ils ne vont pas se lever pour bâtir. Ma prière est que Dieu puisse réveiller l'esprit de quelqu'un. Ça fait longtemps que tu es resté toujours assis, en train de croiser les mains. Que Dieu réveille ton esprit pour que tu puisses te lever, comme firent les enfants d'Israël, pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour bâtir la maison de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Chantons ces cantiques. Kolonanga Yesu e kolonanga Kolonanga na lukio na lilita ozalite Kolonanga Yesu e kolonanga Kolonanga na lukio na lilita ozalite Kolonanga Yesu e kolonanga Kolonanga na lukio na lilita ozalite Kolonanga Yesu e kolonanga Kolonanga na lukio Nalilita ozalite Nalukio nabawe kolonanga Nalukio nalilita kolonanga ozalite Kolonanga Yesuwe kolonanga Kolonanga nalukio nalilita ozalite Kolonanga Yesuwe kolonanga Nalukio nalilita kolonanga ozalite Kolonanga Yesuwe kolonanga Kolonanga na lukio na lilita ozalite Ozali na bomo ile lolo bilibela Ozali na bomo ile lolo bilibela Yesu ozali na bomo ile lolo bilibela Ozali na bomo ile lolo bilibela Ozali na nguya le lolo bilibela Ozali na bomo ile lolo bilibela Ozali na nguya Ozali na bomo ile lolo bilibela Yesu ozali ndenge moko le lolo bilibela Ozali na bomo ile lolo bilibela Mokolo Yesuwe ibela Yesuwe ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko ibela Yesu moko Louez le Seigneur L'Éternel des armées, il est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange. Loué, loué, loué, loué, loué, loué. Tukajini, Tukajini, Tukajini, Tukajini, Tukajini, Tukajini. Il est digne de recevoir la gloire et la louange. Omoinanga na pesina yo papa Omoinanga na pesina yo papa Omoinanga na pesina yo papa Omoinanga na pesina yo papa Alpha Omega Lewa Dewae Alpha Omega Lewa Dewae Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Il est l'Éternel des armées, digne de recevoir la gloire. Loué, loué. Loué, loué, loué, loué. Tukachini, Tukachini, Tukachini, Tukachini. Gloire à Dieu, il est digne de louange, il est digne d'être célébré, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Élevons nos voix, bénissons son nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, Révérend Dieudonné Ngombi. Nous vous saluons dans les beaux et précieux noms de Jésus, toute l'équipe OSB à partir d'Abidjan. Nous vous encourageons à partager OSB par WhatsApp, oui, à plusieurs personnes, à des amis, à des membres de famille, partout où ils sont, et que le Seigneur puisse les bénir. Le passage du jour, c'est Esdras chapitre 1, versets 1 à 11. Nous venons de voir que Dieu peut utiliser n'importe qui, y compris les autorités païennes ou celles qui ne connaissent pas Dieu. Béni sois-tu, Éternel, notre rocher, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille, notre bienfaiteur et notre forteresse, notre haute retraite et notre libérateur, notre bouclier et celui en qui nous trouvons refuge. Nous sommes reconnaissants au Père éternel pour tous tes bienfaits, pour la sécurité que tu nous procures. C'est pourquoi nous prions ce matin au Père éternel et nous te demandons de toucher les autorités de ce pays, ceux qui ont une parcelle d'autorité, les responsables de ce pays. Nous demandons, Père, sur la base de ta parole qui déclare que le cœur des rois se trouve entre les mains de l'Éternel et il incline dans la direction qu'il veut. paix touche le cœur de nos responsables, touche le cœur de nos autorités, des plus hautes autorités de cette nation, afin qu'elles puissent prendre des décisions idoines, des décisions adéquates, des bonnes décisions pour la bonne marche de ce pays, des bonnes décisions pour le bien-être de la population, des bonnes décisions pour la paix dans cette nation. Oh Dieu, incline leur cœur. Nous prions contre toute forme de manipulation, contre tout mauvais conseil. Éloigne d'eux, ô Père éternel, ceux qui donnent des conseils de destruction, ceux qui donnent des conseils pour amener le peuple à souffrir. Que la crainte de l'éternel se manifeste effectivement dans leur vie. Ta parole déclare que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Merci Père, parce que nous avons cette assurance que nos prières ne sont pas vaines et qu'au travers de ton Esprit Saint, tu vas toucher les responsables, les autorités, les décideurs de cette nation, afin que les décisions prises, les décrets qui sont signés, les arrêtés qui sont signés, soient pour le bien-être de la population, soit pour la prospérité de la nation. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos autorités, à quelque niveau que ce soit, afin qu'ils puissent agir dans le sens du bien de la population, qu'ils signent, qu'ils prennent des décisions, qu'ils signent des décrets, qu'ils signent des arrêtés qui vont dans le sens du bien de la population. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir ici que Dieu est capable d'utiliser les autorités pour contribuer à l'avancement de son œuvre. Parfois dans nos églises, nous avons besoin d'argent pour bâtir des temples, pour faire l'œuvre missionnaire. La radiofréquence vie a besoin de soutien, a besoin d'argent, des donateurs pour implanter de nouvelles stations à l'intérieur du pays. Et prions le Seigneur pour qu'il puisse utiliser les autorités de cette nation à quelque niveau que ce soit les autorités chrétiennes qui confessent Christ, que ce soit celles qui ne confessent pas Christ, mais qui reconnaissent les biens de ce que nous faisons, qu'ils puissent soutenir l'œuvre de Dieu et en particulier la radio Fréquence Vie. Prions le Seigneur. Très excellent Père, quelle joie d'être dans ta présence, quelle joie de bénéficier de tes grâces chaque matin. Merci parce que nous avons cette assurance qu'en Jésus-Christ ton Fils, nous avons la vie éternelle. Nous prions ce matin au Père et nous demandons que tu interviennes auprès des autorités de ce pays, des autorités politiques, des autorités religieuses, des opérateurs économiques, toute personne qui peut apporter une contribution afin qu'elle puisse être sensible à l'avancement de ton royaume. Touche le cœur des autorités, ô Père éternel, afin qu'elles puissent apporter un soutien aux églises, un soutien à la radio Fréquence Vie, afin que cette radio puisse poursuivre sa série d'implantations à l'intérieur du pays. L'objectif de cette radio, la radio des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, c'est d'annoncer l'évangile à travers les ondes sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, dans les 31 départements de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut des moyens financiers, des moyens matériels. C'est pourquoi nous invoquons ton nom et nous implorons ta grâce, ô Père éternel, afin que tu puisses ouvrir des portes de bénédiction pour l'implantation de nouvelles stations, pour la formation des personnes ressources. Au nom de Jésus-Christ, merci Père éternel. Nous avons cette assurance, Père éternel, que lorsque nous t'adressons des prières, tu nous écoutes. Et lorsque tu nous écoutes, ça veut dire que nos prières seront exaucées. Tu nous as appelés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Donne-nous, ô Père éternel, les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette grande commission. Merci pour tous les contributeurs. Bénis-les au-delà de leurs attentes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Pour cette journée, recevez la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous accorde sa faveur. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que vous allez entreprendre en ce jour réussisse au nom de Jésus. Que ceux-là qui ont des rendez-vous d'affaires, que Dieu vous ouvre des portes et que les miracles s'opèrent au nom de Jésus. Que Dieu vous couvre par son sang et que tous les pièges que l'ennemi vous tende soient déjoués au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. La puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant.